Chapitre 14e. Le travail préparatoire de l'exploitation d'un placer a coûté au bas mot 10 000 francs et n'a donné que des espérances. La quantité d'or recueillie au fond de l'abatée du mineur pendant sa prospection est tellement insignifiante que son produit ne saurait entrer en ligne de compte. Mais en somme, il trouvera facilement des associés qui fourniront les premiers fonds indispensables à cette grande exploitation. Il demande tout d'abord à la direction de l'intérieur une concession définitive de son terrain pour laquelle il acquit un droit de 0,40 centimes par hectare. La nouvelle de son succès s'est déjà répandue comme une traînée de poudre et de poudre d'or. Il s'installe à Cayenne et s'occupe d'engager avec le plus grand nombre possible de mineurs des ouvriers appartenant à plusieurs industries. Il cherchera des scieurs de long qui devront débiter sur place les planches nécessaires à la confection des instruments à laver l'or, des sluices. Les hommes de cette profession sont malheureusement presque introuvables en Guyane. Il faut surmonter toute répugnance et les prendre parmi les transportés libérés. Il engagera quelques charrons, des forgerons, des briquetiers, ne fût-ce que pour construire un four. Ces ouvriers, hélas, sortiront tous des rangs des forçats. Nécessité n'a pas de loi. Les artisans libres ne vont pas chercher fortune dans cette Guyane, systématiquement calomniée et dont l'opulence est encore méconnue. Et pourtant, quelle source de fortune pour tous nos ouvriers métropolitains, souvent à la recherche de travaux si mal rétribués. Quelle existence de plein air et d'abondance pour les travailleurs qui n'ont d'autre horizon que les murs de l'atelier ou de la mansarde. Quant au mineur proprement dit et au convoyeur, les difficultés pour les trouver sont moindres, quoique considérables encore. La Guyane manque de bras, et l'on fait si peu pour favoriser l'immigration noire, chinoise ou hindoue. Quoi qu'il en soit, le prospecteur devenu directeur du placer remuera ciel et terre et finira par engager pour 8 mois moyennant 5 francs par jour et nourri 120 à 150 noirs habitant la colonie. Il avancera à chacun d'eux sur la simple présentation de son livret d'ouvrier une somme variant entre 100 et 200 francs. Une cinquantaine d'hindous seront engagés aux mêmes conditions pour une égale période de 8 mois. Ces hommes se livreront exclusivement à l'industrie de l'or. Quant aux convoyeurs chargés du transport des vivres, ce seront des Chinois au nombre de 25 à 30. Les préparatifs sont analogues à ceux de la prospection, mais dans la proportion de 6 à 230. Ces rapports des deux quantités nous dispensent de la longue et fastidieuse énumération des objets mentionnés précédemment. Le départ s'effectue sur des goélettes chargées à couler bas ou sur le Dieu merci dont le pont trop étroit rassemble ce jour-là tous les échantillons des races humaines. La route suivie et les autres moyens de transport employés sont ceux que nous connaissons. Après le steamer colonial ou les tapouilles, les embarcations du Libéré, puis les pirogues des Bonis, puis le passage des Rapides, puis après l'arrivée au Dégrade, la construction d'un magasin. Les ouvriers en bois abattent des arbres, dressent des poteaux, fendent les bardeaux en wapa pour la toiture. Déjà, les mineurs et les convoyeurs s'avancent en file indienne sur la piste précédemment tracée par le prospecteur. Tous transportent sur leur tête les vivres, les outils, les effets, les instruments fractionnés par charge de 25 kilos. Le couac, le lard, le bacaillot, dans des sacs goudronnés et cachetés pour éviter toute tentative ayant pour but la soustraction d'une part du contenu. Le vin et le tafia dans des damjans, cachetés aussi pour le même motif. L'on campe les premières nuits sur le champ d'or, comme l'on peut à la diable. Puis, séance tenante, les mineurs transformés en bûcherons s'escriment de la hache et de la scie sur les arbres qu'ils abattent avec une célérité inimaginable. Les gens reliés les uns aux autres par des lianes aussi s'entraînent mutuellement et s'écroulent avec fracas. La voûte de feuillage se disloque aussitôt et les rayons du soleil éclairent pour la première fois cette revendication de la civilisation sur la barbarie. Les arbres abattus fournissent les matériaux des cases qui s'élèvent comme par enchantement. On voit éclore en quelques jours un embryon de ville. Le chaos s'organise bientôt grâce aux corvées dont nul ne saurait être exempt. Les scieurs de long débitent les madriers, les charrons les ajustent. Les criques sont débarrassés des végétaux qui les encombrent, la zone aurifère est mise à jour, l'exploitation commence. tel était l'état dans lequel Charles et Nicolas, arrivant d'Europe, avaient trouvé le placeur réussi après 2 mois de production. Le champ d'or dont le jeune homme avait pu établir rigoureusement la position, grâce à ses instruments de mathématiques, n'appartenait pas, ainsi qu'on l'a vu, à la société qui traitait les alluvions. Cette erreur n'était pas imputable à M. Duvallon, mais à celui qui avait prospecté la concession. Le créole avait remplacé depuis peu le malheureux mineur mort à la peine. C'est en raison de cette erreur de 2000 mètres seulement que les Robinson se trouvaient propriétaires du terrain déjà tout agencé. Ils n'étaient pas hommes à bénéficier ainsi d'un accident. L'on se souvient que les associés furent largement dédommagés des dépenses faites antérieurement, bien que légalement ils n'eussent droit à aucune indemnité. Les ouvriers étaient arrivés de Cayenne depuis quelques jours. Le travail avait repris sous l'intelligente direction de M. Duvallon, et tout faisait présager d'abondantes productions. Robin avait voulu que tout fût en ordre avant que sa famille visitât le placeur. Ce jour tant désiré arriva enfin. Madame Robin, les deux Misses, les Bonny eux-mêmes, quittèrent l'habitation et se rendirent au champ d'or. Le canot à vapeur accosta aux dégrades, et les passagers, après avoir franchi une légère passerelle jetée en travers de la première crique, débouchèrent dans l'immense clairière pleine de bruit et de travail. Ils étaient attendus. Leur arrivée fut signalée par une salve de coups de fusil qui fit jeter les hauts cris aux animaux de la basse-cour et envoler effarés tout un vol de toucans. Le pavillon français, hissé au sommet d'un mât par un coulis hindou en grand costume et coiffé du turban national, se déploya aussitôt, produisant sur les yeux ravis des visiteurs l'effet d'une fanfare de couleurs. Les Robinson, en proie à une émotion profonde à la vue de l'emblème sacré de la patrie, saluèrent le drapeau du cri de « Vive la France !»« Vive les Français de l'Équateur !» répondit d'une voix éclatante M. Duvallon, non moins ému, en venant à la rencontre de l'ingénieur et de sa famille. Les Robinson, en pénétrant dans leur nouveau domaine, marchaient d'étonnement en étonnement. Le directeur, qui avait carte blanche pour l'installation, s'était surpassé. Son activité et sa merveilleuse entente de la vie des bois avaient opéré des prodiges. Sur l'immense esplanade, bien nivelée et soigneusement débarrassée des chicots, s'élevaient les cases des travailleurs. Celles des Chinois et des Hindous formaient le côté droit, celles des Noirs le côté gauche. Ces habitations proprettes, bien saines, bien aérées, construites en golettes et couvertes en ouailles, avaient déjà pris une belle couleur maïs du plus harmonieux aspect. Devant quelques-unes s'étendaient des jardinets, d'où émergeaient des plantes utiles et décoratives. Du dégrade à l'habitation, des plants de bananiers qui croissaient à vue d'œil formaient un rudiment d'avenue qui, avant 2 ans, serait ombragé de façon à permettre de braver les rayons du soleil. L'habitation proprement dite a été reculée de plus de 200 mètres et construite sur le versant d'une petite colline. Cette situation présente un double avantage. D'une part, les effets de l'inondation sont conjurés. D'autre part, une brise légère, trésor inappréciable en Guyane, la rafraîchit perpétuellement. Le corps du logis, long de plus de 40 mètres, sur 12 de large et 10 de hauteur, est une merveille de construction coloniale. Il s'élève sur un épais plancher de bois bagot, dont les veines violettes et noires, frottées d'huile de carapa, affectent les tons de l'améthyste et du jais. Les poteaux, en bois de rose enduits de résine de gaillac, rappellent ces vieux meubles du commencement de Louis XV, la joie des antiquaires. Ils supportent les poutrelles en satiné rouge formant la charpente et sur lesquelles s'appuient de minces chevrons en balata blanc. La toiture, très élevée, en ouaille, forme un angle aigu et s'évase brusquement à la base en angle obtus, de façon à former une légère véranda large de 2 mètres qui entoure de tous côtés l'immense bâtisse dont l'élégance et la légèreté sont incomparables. Une série de hamacs bonnies et indiens, en aloès et en coton, oscillent doucement au souffle de la brise et promettent une sieste délicieuse. Tous ces admirables échantillons des bois les plus précieux, dont la vue ferait pâmer d'aise un maître ébénisterie, ont été coupés sur l'emplacement qu'ils occupent. Un peu plus, on les eût équarris debout et laissés sur leurs racines. La salle à manger commune s'élève au milieu du bâtiment. Elle est ouverte de 2 côtés et donne vue au nord sur le placeur, au sud sur la forêt vierge. Deux grands rideaux, couleur maïs, en fibre de formium, tombent en plis gracieux du haut de l'entablement. Une des parois disparaît sous un dressoir en bois serpent aux moulures d'ébène que surchargent les services de porcelaine et les verres dits incassables. La table énorme, massive, en moutouchi, s'appuie majestueusement sur ses quatre pieds robustes. En face du dressoir, un râtelier d'armes sur lequel s'alignent les profils sévères des canons bronzés. Au-dessous de ces produits irréprochables de l'arquebuserie contemporaine, rapportée de France par Charles, s'étale une peau de jaguar sur laquelle Bob, le molosse noir ramené de Cayenne par M. Duvallon, a élu domicile. Bob est un géant de l'espèce canine, forte comme un maïpourri, brave comme un lion et doux comme un mouton. La preuve, c'est qu'il vient de céder fraternellement un coin de la dépouille du félin à Matao, qui a séance tenante acceptée. À gauche, le salon, meublé de divans et de fauteuils à bascule, tressés en bambou par les Chinois, avec cette incomparable légèreté et cette bizarrerie d'ornementation qui sont le propre de ces inimitables ouvriers. Les chambres des dames faisant suite au salon s'ouvrent sur un vaste couloir et sur la véranda. De l'autre côté de la salle à manger, et parallèlement au salon, se trouve le cabinet de travail. Des tables de cèdre encombrées de papiers, de plans, de cartes, de lavis, de modèles d'outils et d'instruments sont fixées au sol. Les cloisons de grignons sont couvertes de rayons sur lesquels sont symétriquement rangés des échantillons de bois rares, de minerais, de fossiles, de roches, avec des boussoles, des montres, des podomètres, des instruments de physique et de mathématiques, etc., etc. Les appartements des hommes font suite au cabinet de travail. Enfin, pour en finir avec cette distribution si bien entendue, un petit pavillon isolé, situé à 20 mètres, recèle un laboratoire complet de chimie. Mentionnons encore la cuisine avec le four, qui, placée à proximité de la salle à manger, sont confiés aux soins intelligents de Maître Augustin, un vrai Marseillais de Marseille, ancien cuisinier du navire stationnaire de l'État, et qui a naturalisé la bouillabaisse et la barigoule sur les rives du Maroni. Un dernier mot, pour montrer avec quelle intelligence toutes les dispositions ont été prises. De tous les points de l'habitation, l'œil peut embrasser tout l'espace découvert sur lequel s'élèvent les cases des ouvriers, les logements des employés, ceux des domestiques, les cuisines et les magasins aux vivres. Chacun comprendra sans peine l'importance de ce détail futile en apparence. Les Robinson, heureux comme de grands enfants, manifestaient leur joie par des exclamations enthousiastes et accablaient d'éloges l'habile ordonnateur de ses merveilles. « Mais c'est trop beau, mon cher directeur, » répétait Robin. « Nous ne nous reconnaissons plus parmi ces splendeurs. Ce n'est plus la Guyane, et nos Robinson vont s'endormir dans les délices de cette capoue équinoxiale réalisée par vous d'un coup de baguette. » D'autre part, cette profusion au milieu de tant de misère me produit comme une sensation de malaise. « Oh, que ma réflexion ne vous trouble en rien, mon ami. Je vous suis trop reconnaissant de tout ce que vous avez fait en vue de rendre agréable aux dames le séjour de cet enfer, pour mêler une goutte d'amertume à votre joie si légitime. » Cher monsieur, reprit le créole avec ce respect qu'inspirait le proscrit à tous ceux qui l'approchaient, je m'attendais à vos paroles et elles me comblent de joie. Voulez-vous me permettre de vous ouvrir mon cœur et de vous développer les motifs de ma conduite? Parlez, mon ami, vous connaissez ma sympathie pour vous. J'écouterai avec le plus grand plaisir l'énoncé de vos idées. Elles ne peuvent être que celles d'un cœur loyal et d'un cerveau intelligent. Le créole, rouge de plaisir, Robin ne prodiguait pas les marques extérieures d'affection, s'inclina modestement, balbutia un remerciement et reprit. Je pourrais vous dire qu'après l'existence épouvantable que vous avez menée jadis sur cette terre de la proscription, qu'après vos luttes de tous les instants contre les éléments qui souvent vous terrassèrent sans vous vaincre, il est bien juste de recueillir enfin le fruit de vos peines et de ne plus vivre la souffrance. Pour quiconque sait votre histoire et celle de votre famille, la situation présente est encore bien inférieure à vos mérites et ne saurait compenser les misères du passé. Si telle a été d'une part ma pensée, j'ai eu d'autre part un motif plus essentiel encore. Vous avez déploré l'infériorité de nos colonies comparée à la prospérité des possessions anglaises. Votre cœur de patriote a gémi de cette stagnation. Oui, et le but de mon existence est, vous le savez, d'infuser à la France équinoxiale avec des idées nouvelles, les éléments d'une nouvelle vie. Une des causes principales de cette stagnation, qui est presque de la décrépitude, m'a d'autant plus vivement frappé que je suis créole. Le français qui émigre n'a qu'une pensée, ramasser au plus vite une fortune petite ou grande, et revenir au plus tôt jouir de la vie dans une grande ville, ou planter ses choux à l'ombre de son clocher. Peu lui importe la misérable échoppe dans laquelle il passe une dizaine d'années avant d'arriver à son but. Il vend, achète, troque, s'occupe d'entasser le plus qu'il peut et de consommer le moins possible. Quand son portefeuille est garni, quand il s'est à loisir transformé en éponge et qu'il a retiré de la colonie tout ce qu'il a pu, il réalise, prend le prochain steamer, puis on ne le revoit plus. Au lieu d'améliorer la terre qui lui a procuré l'opulence, il la délaisse, comme un ingrat repu, le jouisseur égoïste. L'anglais, au contraire, quitte la métropole sans espoir de retour. Il devient anglais des Indes ou d'Australie, fait souche d'anglais partout où il se trouve et transforme en un coin d'Angleterre le pays où il s'installe. S'il a un intérieur, il l'emporte avec lui. S'il n'en a pas, il sait bien s'improviser ce home si cher à tout citoyen du Royaume-Uni. Il pratique le négoce aussi bien que personne, mais non pas à la façon des êtres parasitaires qui absorbent sans restituer. Son commerce féconde, mais ne stérilise pas. Il vit de la vie de famille et, tout en vaquant à ses affaires, s'occupe de créer des écoles pour ses enfants. Il veut pour eux la salubrité de la ville, le confort de l'intérieur et l'obtient à tout prix, car il sera là demain. Ses enfants doivent y vivre ainsi que leurs descendants. Selmani elle-même concourt à la prospérité de son pays d'adoption. Si le français était sportman, il n'attendrait pas d'avoir fait fortune pour voir courir le Grand Prix. Il élèverait des chevaux et Cayenne aurait peut-être des tramways comme sa rivale Demerara, alors que l'on n'y compte pas 20 voitures et que l'on n'y trouve ni un restaurant ni un hôtel meublé. Ah, si tous ceux que cette terre féconde a enrichis n'avaient pas pris leur envolée, quelle serait la prospérité de notre chère France équinoxiale? Au lieu d'aller mendier à prix d'or au paras des bœufs éthiques, nous aurions les gras pâturages de la Trinité, sur lesquels s'ébattent, comme sur les prairies du Devonshire, les plus beaux bestiaux du monde. Nos travailleurs anémiques mangeaient à pleine bouche le rosbif gorgé de sang, au lieu d'être réduits à la portion congrue de couac et de bacalhau. Là où tremblotent quelques misérables carbets isolés, s'élèveraient des villes. Les steamers sillonneraient nos grands fleuves. Des chemins de fer relieraient, comme en Australie, nos exploitations. Notre colonie serait un état puissant et non pas un débit de morue sèche ou un marécage insalubre. « Ce que vous dites est cruellement vrai, » interrompit Robin, vivement frappé de la profondeur de ses paroles et de l'enseignement qu'elles renfermaient. « Ah, je vous comprends maintenant, et je vous remercie du plus profond de mon cœur. » « J'ai voulu imiter l'anglais, » écrit ici, avec les simples ressources de la colonie, l'intérieur, le home français, sauf les cristaux et les porcelaines, les armes et les instruments de travail. La nature nous a fourni tous nos matériaux à l'état brut. Ces bois admirables, qu'un nabab envirait pour son palais, portaient des feuilles il y a 3 mois. Nous les avons abattus, dégrossis, polis et mis en place. Les bambous, qui nous ont donné ces sièges si commodes et si élégants, les formiums dont nous avons tiré ces draperies, formaient des futaies au milieu des marais. Les hamacs étaient encore à l'état de houppe sur les cotonniers. Enfin, sur cette place que le soleil inonde en ce moment de sa lumière, s'élevait la forêt avec ses miasmes putrides, ses herbes humides, ses insectes répugnants, son sol fangeux. Je dirais alors à ceux qui veulent s'enfuir là-bas, au-delà de l'océan, avec l'or ramassé ici, vous admirez nos demeures, vous vous étonnez des facilités de nos existences, vous enviez peut-être notre bonheur. Eh bien, restez près de nous, suivez notre exemple. Voyez comme la réalisation de ce confort, de ce luxe, est chose facile. Faites souche ici, apportez-y la France, et demain, vos enfants seront les citoyens d'une grande ville. Au lieu d'être en Europe les derniers arrivés parmi ceux dont vous n'avez plus ni les goûts ni les habitudes, d'être des millionnaires dépaysés et embarrassés peut-être de votre fortune, soyez les premiers Français de l'Équateur. L'écrin colonial de notre patrie possédera une perle de plus. À côté des Indes et de l'Australie, le monde acclamera la France équinoxiale. Dépeindre l'émotion qui étreignit tous les cœurs quand la voix vibrante du créole prononça ces patriotiques paroles serait impossible. Il est de ces scènes que la plume est impuissante à reproduire et dont chacun préfère savourer seul la vivifiante émotion. La vie du placeur commençait pour les Robinsons sous d'heureux auspices. Il y eut fête le soir au Champ d'Or. Les Noirs, les Hindous, dansèrent, chantèrent, tirèrent des coups de fusil et burent à satiété. Les Chinois eux-mêmes déridèrent leur face de magot et semblèrent s'amuser comme nul ne l'avait jamais constaté de mémoire de mineur. La joie, pour être bruyante, tumultueuse même, n'en fut pas moins raisonnable. Les réjouissances se prolongèrent fort avant dans la nuit, et pourtant, quand le coup de trompe appelant les ouvriers au travail retentit au point du jour, nul ne manqua à l'appel. Le placeur s'éveille un peu courbaturé mais joyeux. La journée commence par cette importante formalité qui s'appelle le boujaron, bientôt suivie de la distribution des vivres. Pendant que le magasinier Marius, le bachelier de Mana, assaisonne cette distribution de propos aux gros sels, les chefs de chantier viennent sous la véranda recevoir les ordres du directeur relativement au travail de la journée. Le rapport terminé, les ouvriers rentrent à la case pour prendre le repas du matin et préparer le goûter qu'ils absorberont pendant la journée à tour de rôle, sans interrompre leur tâche, car le sluice, une fois en action, ne s'arrête pas. De même que le gouvernement a réglementé la ration de vivres, il a également fixé les heures de travail. Tous les jours de la semaine, le dimanche excepté, les ouvriers arrivent au chantier à 8 heures et le quittent à 3 heures. Total, 7 heures de travail. C'est assez, eu égard au climat de notre colonie. Les contremaîtres reviennent à l'habitation, reçoivent la quantité de mercure nécessaire au fonctionnement de leur instrument et partent, suivis de leurs hommes, pour la rivière qu'ils exploitent. Les Robinsons connaissent l'exploitation de l'or par les procédés primitifs qu'ils ont jadis employés, mais ignorent le lavage en grand. Ils se sont servis d'instruments relativement imparfaits, fabriqués par eux de toutes pièces. Aussi se font-ils une fête de cette première visite au placer. Quand les dames doivent les accompagner, il est convenu qu'on profitera de la matinée, le seul moment où la chaleur du soleil ne possède pas encore son implacable intensité. Monsieur Duvallon vient les chercher après 2 heures d'absence. Il a déjà visité la moitié de son personnel. L'activité du directeur est vraiment prodigieuse. Il a entendu que l'on se rendra sur les bords de la crique Fidèle, qui coule à 200 mètres seulement de l'établissement. Si les Robinsons, et même leur mère, familiarisés avec la vie des bois, sont susceptibles de fournir des courses de longue haleine, il n'en est pas de même des jeunes Anglaises dont le visage ruisselle déjà de sueur après cette simple promenade. L'on ne peut concevoir l'intensité des morsures du soleil équinoxial sans les avoir ressenties. 3 instruments sont en plein fonctionnement. Monsieur Duvallon en a rendu les abords accessibles au moyen de ponts et de planches posées sur les terres détrempées. Sans cette précaution, les visiteurs eussent dû enjamber des troncs abattus, escalader des pentes, glisser sur des branches et s'envaser jusqu'à mi-jambe pour arriver jusqu'au premier sluice. Le lit de la crique a totalement disparu. Les arbres ont été jetés par terre de chaque côté sur une largeur de plus de 20 mètres. Les troncs sont enchevêtrés, les branches fracassées et les chicots géants hier ont 1 mètre de haut. Cet abattage qui doit, nous l'avons déjà dit, précéder le lavage des terres, a été opéré depuis 2 mois. Il sera poussé au fur et à mesure des besoins de l'exploitation. La rivière, barrée en amont, est à sec. Toute l'eau arrêtée par le bâtard d'eau passe dans les instruments et lave le gravier aurifère. Le coup d'œil est des plus pittoresques. Des travailleurs, noirs ou coulis, vêtus du calambé, piochent, bêchent, fouillent, sabres et racines, pataugent dans la boue, chantent ou jacassent à tue-tête et transpirent comme des alcarazza. Le sluice, qui est, à de rares exceptions près, l'instrument servant à laver l'or en Guyane, se compose d'une série de boîtes en planches appelées dalles, longues de 4 mètres, semblables à d'immenses cercueils sans couvercle et ouverts aux deux bouts. Leur hauteur latérale est de 38 à 40 cm. Leur largeur est de 38 cm à un bout et de 42 à l'autre. Cette dépression d'une des extrémités est indispensable pour faciliter l'emboîtement des dalles à la suite l'une de l'autre, de façon à former un long canal découvert en bois. Voici, disait à l'ingénieur et à ses fils, M. Duvallon, un sluice de moyenne grandeur qui se compose de 12 dalles. Sa longueur totale est de près de 40 mètres. Il occupe 20 personnes, hommes et femmes. Il y a d'abord huit déblayeurs qui sabrent les derniers débris végétaux et qui ensuite s'escriment de la pioche et de la pelle à travers la terre végétale pour arriver à la couche aurifère. C'est là leur seule besogne. Ils préparent la tâche des huit piocheurs que vous voyez au fond de ces trous éventrer à grands coups de pique cette couche grisâtre qui semble si dure. Après l'avoir piochée, ils la lanceront à la volée dans la dalle qui passe au-dessus de leur tête. « C'est là la couche aurifère ?» demanda Madame Robin, Miss Lucie. « Oui, mademoiselle, » répondit en son lieu et place le directeur. « C'est du quartz désagrégé. Des débris de filons affectant toutes les grosseurs, depuis celle de la tête jusqu'à celle d'une pointe d'aiguille. Et l'or se trouve en liberté entre ces graviers, qui en contiennent eux-mêmes une bien plus grande quantité. Si tous ces sables étaient broyés, notre production serait décuplée. Mais dans l'état actuel de l'industrie aurifère en Guyane, on se contente de recueillir l'or qui est détaché du quartz. Les bénéfices réalisés sont fort honnêtes encore. Cette couche est-elle épaisse? Plus ou moins. Quelquefois elle atteint 1,50 m, parfois elle n'a que 10 cm de hauteur. Quant à la largeur, elle s'étend généralement à 20 mètres de chaque côté de la rivière. Celle-ci est excellente, voyez l'acharnement de nos braves piocheurs. L'instrument occupe encore 4 femmes qui passent leur journée accroupies dans les dalles et sont chargées de retirer les gros fragments rocheux s'opposant au passage des graviers. Plus 4 tireurs de sable, ce sont ces hommes que vous voyez au bas du sluice, à l'extrémité de la dernière dalle, armés de ces pioches creuses à longs manches. Ils retirent les terres lavées et les entassent de chaque côté, total 16 hommes et 4 femmes. Le sluice, interrompit Henri, doit être bien solidement construit pour supporter avec le poids considérable du gravier celui des femmes qui tirent la roche. Les premières dalles sont à plus de 2 mètres du fond des trous où travaillent les piocheurs et une chute serait dangereuse au cas où l'instrument dont la pente est d'au moins 5 cm par mètre viendrait à s'effondrer. N'ayez aucune crainte, voyez, chacune des dalles est placée sur 2 traverses latérales reposant sur 2 crochets en fer forgé adaptés eux-mêmes à des pieux de moutouchi implantés de plus d'un mètre dans le sol. Vous connaissez la solidité de nos bois, ces ribauds du fer lui-même. Les mineurs, stimulés par la présence des Européens, remuent la terre avec fureur et chantent avec une verve endiablée. 2 piocheurs, aux formes athlétiques, après avoir éventré la couche de gravier, ont quitté le pic et se sont emparés chacun d'une pelle, dite pelle criminelle, dont le manche n'a pas moins de 2,60 m de longueur. Du fond de leur trou, profond de près de 2 mètres, ils lancent, avec une incomparable adresse, d'énormes pelletées de gravier qui retombent au milieu du sluice plein d'eau courante. La précision et la rapidité de leurs mouvements tiennent du prodige et c'est merveille de voir ces immenses pelles criminelles, les bien nommées, évoluer comme des fétus dans leurs mains robustes, frapper en cadence la paroi ligneuse du sluice dont l'eau laiteuse rejaillit au contact du sable. Entre-temps, ils trouvent le moyen de faire des fioritures. Ils exécutent avec le manche de la pelle un large moulinet et le fer, après avoir décrit une demi-circonférence, vient s'enfoncer à leurs pieds dans le sol déchiré. Chaque pelletée qui tombe dans l'instrument est rythmée d'une phrase qui revient sans cesse. « Samikewolu !» vocifère l'un des 2 hommes, puis sa pelle retombe. « Mounlao, bon bon !» hurle à son tour son compagnon. « Samikebolu !» reprend le premier. « Mounlao, bon bon !» réitère le second. « Que disent-ils ? » demanda Madame Robin. « Que Sami est un voleur et que les gens de là-haut sont très bons. Pourquoi ? » C'est une manière de rythmer leurs mouvements, analogue aux plaintes des boulangers et aux chants cadencés des forgerons. Quelquefois, ils composent d'interminables complaintes, racontant leur joie ou leur peine. Ils exposent leurs griefs ou plaisantent leurs camarades. Parfois même, leurs verbes satiriques s'attaquent à leurs patrons qui ne sont pas ménagés dans leur improvisation, à laquelle ils donnent le nom de chanter ou de dolo. Sami, le soi-disant voleur, est un coulis attaché au service de l'habitation. Quant au Moon là-haut, bonbon, c'est vous dont le noir célèbre à sa manière la générosité. Puis s'adressant aux 2 piocheurs, « C'est bon, fidèle, c'est bien, baron, vous aurez double boujaron ce soir. » Charles, qui comme sa mère et ses frères avait pris un vif intérêt à ces détails, s'écria, enthousiasmé, qu'il y a loin de ces admirables instruments. Au pauvre berceau d'osier que nous agitions jadis à tour de bras, pour trouver quelques grains d'or, dire que nous croyons avoir atteint le summum de l'art, et pourtant ces vieux outils nous ont donné la fortune. Je serais désireux de savoir maintenant l'agencement intérieur du sluice. Comme vous m'avez dit ne pas perdre une parcelle d'or, cette affirmation me surprend, car quels que fussent nos efforts là-bas, nous laissions échapper un bon tiers de poudre. Votre procédé doit être assez compliqué. Il est au contraire extrêmement simple. Le sable tombe dans la dalle où l'eau le désagrège. La dalle est recouverte d'une plaque de tôle percée de trous en crible, éloignée de 8 000 mètres du fond de bois. Cette tôle est supportée à l'avant par 2 pivots en forme de losange et à l'arrière par une traverse de bois. Elle est en outre maintenue à chaque extrémité par 2 taquets que les roches serrent en passant de façon à l'empêcher d'être emportée. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'or s'amalgame au mercure par simple contact. D'heure en heure, on jette un peu de mercure dans les dalles. Il file doucement sous la plaque de tôle et s'arrête à la traverse, où le mouvement des eaux le tient sans cesse en mouvement. Vous savez que tous les corps, y compris le fer, flottent sur le mercure. À plus forte raison, les débris de roche. Tout ce qui n'est pas de l'or glisse sur le métal liquide et s'écoule à l'arrière, pendant que l'or, absorbé au passage, s'amalgame en un clin d'œil. Notez que chaque dalle contient une plaque de tôle avec du mercure et conséquemment un appareil complet d'amalgamation. Si, par impossible, quelques fragments échappaient à la 5e, à la 6e ou même à la 10e dalle, ils tomberaient infailliblement dans la 12e, agencée d'une façon toute particulière. Elle se nomme la caisse et pour cause. Elle est terminée par une série de rainures en fonte, pleines de mercure, et profondes de 8 à 10 mm. Nulle parcelle d'or, si petite qu'elle soit, ne peut donc éviter le contact du mercure. Le rendement est-il abondant? Sur ce point, il est fabuleusement riche. Nous sommes dans une poche, il y a près de 2 kg d'or sur 4 mètres cubes. Vous allez voir des pâtés de 5 et 6 francs. La moyenne de la production de la crique fidèle est de 75 centimes la pâtée. La fleur, dit-il à un hindou occupé à tirer du sable, et toi, Apao, lavez chacun une bâtée. Les 2 coulis s'empressèrent d'obéir et rapportèrent peu après au fond de leur plat de bois chacun une quantité de métal absolument pur, dont la valeur confirmait l'évaluation du directeur. Du Vallon, qui venait de laver aussi une bâtée, cueillit 3 feuilles de ouaille, déposa sur chacune d'elles le produit de l'opération, replia la feuille et entoura le petit paquet d'une fine liane selon la coutume des mineurs guyanais. Puis, avec l'élégance d'un véritable talon rouge, il l'offrit aux 3 visiteuses en disant « Quand les souverains visitaient leur ville, il était d'usage de leur offrir les clés en signe d'hommage. Vous êtes les reines du champ d'or. Veuillez accepter les prémices de votre domaine. Recevez en signe d'hommage et de fidélité cet or encore vierge, le seul digne de vous que vous offrent vos sujets. »